D'ici là, voici Histoire vivante. Merci d'écouter nos programmes. Il est 13h30 sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. Eh bien, les titres de l'actualité se rapportent évidemment à un seul événement, le drame de Munich. Oui, Munich, le stade olympique. Il était 10h ce matin. Histoire vivante. Berger David, Gottfried Joseph, Weinberger Moshe. C'était de véritables camarades. Ils sont morts dans la fleur de leur vie. Cette semaine, tragédie à Munich, les Jeux endeuillés. On lance cet appel à la population et surtout aux automobilistes. On leur dit ne prenez pas d'autostoppeur, c'est dangereux. Il y a des hommes armés qui sont prêts à tout. Une semaine olympique sans précédent. Parce qu'en 1936, à Berlin, Hitler avait voulu que les Jeux Olympiques soient l'apothéose du national-socialisme, parce qu'il avait voulu se servir du sport pour célébrer la puissance du Troisième Reich établi pour mille ans, Joseph Goebbels, son ministre de l'Information et de la Propagande, eut cette idée étonnante. Pour la toute première fois dans l'histoire des Jeux, une torche fut allumée en Grèce, à Olympie, et de là portée par 3000 coureurs se relayant tous les kilomètres jusqu'à Berlin, où là, un homme... Et pas un arien, figurez-vous, un berger tout ce qu'il y a de grec nommé Spyridon Louis, vainqueur du marathon de 1896, l'a remis à Hitler. Le jour de l'inauguration, on avait prévu un lâcher de 20 000 pigeons. Il fut un peu compromis par les évolutions quelque peu hasardeuses du dirigeable Hindenburg. Splendeur et misère des grands empires. Chapitre 1. 36 ans plus tard, le même sujet, mais avec d'autres acteurs. En 1972, Munich veut faire oublier les oriflammes, les défilés et les croix gammées. Les responsables de Munich l'ont annoncé, ces 20e Jeux olympiques sont placés sous le signe de la joie. Ils s'ouvrent le 26 août 1972. Il appartenait ensuite à M. Willy Daumé, en tant que président du comité d'organisation de ces Jeux Olympiques, d'adresser le premier des souhaits de bienvenue. Willkommen, olympische Gäste aus aller Welt, Athleten, Helfer, Zuschauer. Die Stunde, auf die wir uns vorbereitet und gefreut haben, ist da. Lors de son allocution, M. Willy Daumé était accompagné par M. Avery Brundage, le président du Comité international olympique. Ce sont les derniers Jeux olympiques de M. Brundage en tant que président de cet organisme et lui aussi prit la parole. Herr Präsident, verehrte Gäste, meine Damen und Herren, unsere deutschen Freunde haben ihr Bestes geleistet. Dieses Treffen der Jugend der Welt würdig zu gestalten. Et puis ce fut le moment tant attendu de l'ouverture officielle de ces Jeux Olympiques. C'est le président, M. Gustav Heinemann, qui se chargea de cette mission. Ich erkläre die Olympischen Spiele München 1972 zur Feier der 20. Olympiade der Neuzeit für eröffnet. Ces applaudissements étaient partagés également par tous les athlètes qui attendaient depuis 2 heures sur la pelouse du stade olympique. Ils attendaient surtout un événement, c'était l'arrivée de cette flamme qui était allumée à Olympie le 28 juillet, elle était portée par la suite par 5976 coureurs qui ont accompli une distance de 5538 km. Écoutez l'arrivée de cette flamme portée par Günther Zahn, accompagné entre autres de Jim Ryan et de Kaino. Allumée, elle va rester allumée jusqu'au 10 septembre, elle veillera sur Munich. Ensuite, il y a eu le traditionnel serment olympique prononcé par la ravissante Heidi Schuller. Et ensuite, vers 17h30, toute la cérémonie était terminée. Et donc, maintenant, les Jeux olympiques sont ouverts. Rien ne va plus ? Si, si, tout va encore, car nous sommes dans une volonté d'euphorie. On a décrété que ce seraient les Jeux de la joie, et ça sera les Jeux de la joie. Sinon, ça sert à rien qu'on décrète. Mais le monde extérieur est ce qu'il est en cette année 1972. L'Ouest et l'Est se font face depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et les Jeux Olympiques, comme tout le reste, sont tout plein des enjeux de cette opposition. Chaque victoire comprend forcément, bien fondée ou non, sa part de symbolique. Quand l'équipe de hockey tchèque triomphe face aux Soviets, inutile de dire que ça allume quelques lampions dans le cœur des faubourgs de Prague. Mais il faut bien le dire, au fil des Jeux, s'il y en a bien qui affirment leur suprématie à tout bout de champ, ce sont les athlètes américains. On attend d'eux cette année encore qu'ils rapportent une moisson de médailles. Très rapidement, ces Jeux se découvrent dans l'épreuve de la natation, deux athlètes de légende. D'abord, une toute jeune Australienne de 15 ans et demi, Shane Gould. Une médaille d'or aux 200 mètres 4 nages, un record mondial du 400 mètres battu de 2 secondes et une troisième médaille sur le 200 mètres nage libre, agrémentée là encore d'un record du monde. Le public sera définitivement acquis à la jeune nageuse quand il va la découvrir, recevant sa première médaille d'or, toute petite, tout là-haut et tout en larmes sur son grand podium avec son gros nounours dans les bras. Non, c'est un kangourou, c'est pas un nounours. Et aussi, et surtout, celui qui, en 24 heures, devient, une fois pour toutes, l'idole des nageurs du monde entier, et pas seulement des nageurs, le dieu de Munich, comme le titre des journaux de l'époque, sans superlatif aucun, hein, c'est pas le genre de la presse sportive, Mark Spitz. 1m83 pour 78 kilos. Et des pieds qui n'en finissent pas. On prétend même qu'il serait un peu palmé des pieds, Mark Spitz. Ce serait la moindre des choses, parce que sinon, pour le reste, ses performances relèvent de l'inhumain. À 22 ans, l'athlète américain améliore 4 de ses propres records mondiaux. L'orgueilleux Mark Spitz, à l'abondante chevelure brune et aux moustaches d'Hidalgo, qui avait été humilié lors des Jeux de Mexico, humilié, il n'y a pas d'autre mot, il accède à plusieurs reprises au final individuel. Pas une fois, vous entendez bien, pas une fois, il ne parviendra à gagner une seule médaille. Mais le monde est divisé en deux. Il y a ceux que ça décourage et ceux à qui ça remonte le maillot. En 1972, Mark Spitz emporte 7 médailles d'or et devient le champion le plus médaillé de toute l'histoire des Jeux. Il a un truc, Mark Spitz également, appelons ça une manie, il enlève régulièrement ses chaussures avant de monter sur le podium, et il salue ainsi les deux bras levés avec ses baskets à la main. Bon, vous me direz, le nageur transpire peu, mais enfin tout de même. Enfin, il est beau, il est médaillé, et il porte ses chaussures à la main, évidemment, ça plaît beaucoup. Et il n'y a pas qu'en natation que les athlètes font tourner la tête au chronomètre. Sur les 100, 200 et 400 mètres, les sprinteurs, eux aussi, forcent l'admiration. Les records ne cessent de tomber, notamment lors des derniers JO de Mexico où, l'altitude aidant, on a assisté à des exploits relevant de l'impensable. Les Noirs américains dominant les 100 et 200 mètres. Mais cette année, les sprinteurs noirs américains semblent moins auréolés et surtout, tout le monde attend avec impatience la prestation de la mécanique soviétique Valérie Borzov dont on parle tant. Le docteur James, docteur officiel auprès des athlètes engagés dans ses 20e JO, connaît bien les sprinteurs. Il nous en parle dans ce reportage de la Radio Romande daté du 30 août 1972. Je n'ai pas encore vu Borzov s'entraîner. J'étais plusieurs fois à la piste, je me suis entraîné moi-même. Mais il n'est pas là, je ne sais pas s'il se cache ou s'ils sont sur une autre piste. Il y a de multiples pistes d'entraînement ici. Et jusqu'à maintenant, personne ne l'a vu. Mais j'aimerais bien le voir, de voir de près, de voir ce phénomène. Parce que c'est un phénomène, c'est un gars qui est scientifiquement au point. Mais il faut voir avec le concours, avec la compétition, la grande compétition mondiale, comment il va se comporter. Oui, car souvent les mécaniques, les plus belles mécaniques peuvent se dérégler. Est-ce que les Américains, vous discutez avec eux, est-ce qu'ils craignent Bortsov? Est-ce qu'ils savent qui c'est tout d'abord? Si, ils savent qui c'est, mais ils ne le craignent pas. Ils pensent que Bortsov a eu beaucoup de chance quand il était en Amérique. Il les a battus, propres et nets, ça ils le reconnaissent. Mais ils disent maintenant on est aux Jeux Olympiques, on a 2 ans de plus et on est prêts. Et par ailleurs, un thème aujourd'hui récurrent dans le sport fait une modeste ou bien modeste apparition dans ces Jeux de 1972. Pour nous en parler, nous retrouvons le Dr James. Vous vous occupez également d'un athlète qui n'est pas un sprinter, loin de là, c'est même un lanceur de disques, c'est Jay Sylvester. Oui, Jay, on était des camarades depuis 57-58, on a fait le service militaire ensemble. Et le premier jour que je suis arrivé, Jay est venu me demander plusieurs conseils, ce qu'il lance depuis de nombreuses années. Et au début, en arrivant ici au village, il ne se sentait pas très bien, il ne savait pas exactement ce qu'il avait. Et du fait que je suis médecin, il est venu me consulter, on a discuté des divers problèmes et on a essayé d'arranger des choses. Je crois que ça va aller assez bien pour lui. Il a également eu une discussion avec des lanceurs de marteau. Parce qu'ils ont tous entendu des bruits que des pays de l'Est utilisent des produits, est-ce que ça sera contrôlé? Et puisque je suis membre de la Commission internationale des médecins olympiques et on a eu plusieurs séances sur le doping, je les ai rassurés qu'il n'y en a rien, tout le monde sera contrôlé, il n'y a rien à craindre. Ouf, on a bien cru un instant que le sport allait se ternir quelque peu pour nous remettre de ses émotions un petit peu de musique. 13 ans déjà, cela fait 13 ans qu'il a enregistré son premier disque. Depuis, il en a cassé des touches. Goodbye Sam, par Cliff Richard. Les Allemands adorent. Et vous ? Goodbye Sam, hello Samantha. Goodbye Sam, hello Samantha. Schön, mit euch war sie schön. Die herrliche Zeit der Jugendstreiche. Schön, doch nun muss ich gehen, weil ich mein Ziel sonst nicht erreiche. Und damit ihr auch wisst, was mir so wichtig ist, ich geh und such ein Mädchen, das zärtlich küsst. Goodbye, Sam. Hello, Samantha. Goodbye, Joe. Treff ich eine, zu der ich sag, dich könnt ich lieben. Goodbye, Sam. Hello, Samantha. Goodbye, Lou. Hello, Louise. Ab sofort kenne ich nur noch einen Sport. Und das ist die Liebe, Sam. Chapitre 2. Quand un géant rencontre un autre géant, qu'est-ce qui se raconte ? Des histoires de géants. En cette année 1972, les Jeux Olympiques de Munich sont certes placés sous le signe de la joie, ainsi que l'ont souhaité les organisateurs, mais ils sont aussi le théâtre de l'affrontement classique entre l'Ouest et l'Est. Si les premiers Jeux à Olympie semblent ne s'être concentrés que sur la course de vitesse, alors on peut sans doute admettre que le 100 mètres reste encore l'épreuve reine par excellence de tous ces Jeux. Et donc cette année, les Russes, entendez par là les communistes, hein, les rouges, ont mis au point une machine à toute épreuve. En fait, c'est un jeune gars de 22 ans, étudiant à Kiev, Valérie Borzov, qui entend bien contester la suprématie des athlètes noirs américains. Pour ces 100 mètres version 1972, il y aura deux événements. Le premier a lieu pendant la demi-finale, parce que l'un des couloirs va rester vide, un des sprinteurs américains ayant tout simplement oublié de se présenter à la course. Hein, être le roi de la performance n'empêche pas d'être l'as de l'étourderie. Le deuxième, ça va être pour la finale, puisque finalement, les Russes, les rouges, hein, les communistes, vont avoir raison des Américains. Mais oui, la science soviétique ne sera plus seulement fière d'envoyer du Soyouz dans l'espace, elle balance du recordman du sprint dans l'histoire des JO. Le vainqueur de ces 100 mètres olympiques, Valérie Borzov, fier, élégant, décontracté, facile, mais communiste des rouges. Hein. Enfin bon, Ne boudons pas notre plaisir. On retrouve tout de suite après les courses Monsieur Berruti qui commente la victoire soviétique. Je pense que ce soit très logique parce que Borzov a démontré amplement d'être supérieur aux Américains. Nous avons eu seulement Hart qui n'a pas pu courir et qui peut-être peut être sur la ligne de Borzov. Mais il a une stage très fort, Borzov. Il court très bien, il court très vite et il fait une finale, une rage finale vraiment très bonne. Mais vous n'avez pas l'impression que dans cette finale, il est parti un peu moins bien que dans la demi-finale et hier? Oui, il était un petit peu préoccupé parce qu'il savait qu'il était l'homme à battre. Et alors, s'il est parti pas avec la facilité qu'il a démontré jusqu'à la demi-finale. Mais après le départ, il a couru comme tous les autres fois. Il a couru très bien avec une agilité, avec une puissance qui lui a permis de gagner un mètre ou deux mètres qui a sur Taylor. Jusqu'à les conditions générales, est-ce que vous ne pensez pas pour les sprinters qu'il se faisait un peu froid? Oui, certainement. Je pense que si le temps était chaud comme au Mexico ou comme à Tokyo, on pouvait certainement faire jusqu'à 9-9 au 10. Certainement. Le froid est terrible pour les sprinters parce qu'il ne permet pas de rendre au maximum. Est-ce que vous pensez que Borzov va s'inscrire sur 200 mètres? Et s'il le fait, est-ce qu'il a aussi des possibilités de gagner? Non, pas comme les 100 mètres, j'espère. Il a naturellement un avantage psychologique parce qu'il court avec tranquillité, il court en savant d'être déjà supérieur aux 100 mètres. Et alors il a la possibilité de faire une course sans préoccupation et pouvoir faire des surprises sur les autres. Il a un avantage psychologique, spécialement sur les adversaires qui doivent le regarder avec oui. Mais alors, cette fois-ci, le sprinter américain Blake va sans doute pas oublier de se présenter à la demi-finale. On espère. Nous savons seulement que les Américains ne sont pas plus sûrs comme un temps. Maintenant, eux aussi, ils ont peur des adversaires. Et ça, je pense qu'est la chose la plus importante de cette Olympiade. Ils n'ont plus la sûreté qu'il avait dans les Olympiades de Mexico ou de Tokyo. Enfin, de toute manière, vous classez Borzov dans la lignée des tout grands champions du sprint. Oui, mais pas avec l'évidence de certains champions américains comme Bob Ice, comme Tim Hines, voilà. Je pense. Mais ce n'est pas Bob Ice. Bob Ice était supérieur, je pense. En tout cas, Valérie Borzov est bien à son zénith lors de ses JO de Munich en 1972, puisqu'après cette victoire sur le 100 mètres, devant l'Américain Robert Taylor et le Jamaïcain Lennox Miller, il reviendra bientôt faire parler de lui. Si Valérie Borzov fait partie de ces champions qui, en cette année 1972, affichent un large sourire, il y en a d'autres, par contre, pour lesquels l'année est plutôt noire. Apocalyptique. Enfin bref, il n'y a pas le moral. C'est le cas du Suisse Philippe Clerc, qu'on entend juste après son élimination. Et dans ses réponses, il pointe du doigt une des failles du système qui place le sportif, non seulement suisse, mais d'ailleurs, entendez, les petits pays, dans une véritable quadrature du cercle. En 69, j'ai fait des très bonnes performances. Je pensais pouvoir m'améliorer, pouvoir être au minimum de demi-finaliste olympique 3 ans plus tard, puis au lieu de m'améliorer, je me suis déjoré après 3 ans où je me suis pourtant bien entraîné, où j'ai fait certains sacrifices. Je n'arrive à être beaucoup plus mauvais, c'est surtout ça qui me déçoit. Selon vous, qu'est-ce qui a motivé cette baisse dans vos performances, sans entrer dans tous les détails? Depuis 3 ans, j'ai dû finir mes études, les stages, préparer les examens. Ça ne m'a pas permis d'avoir la vie régulière qu'il faudra avoir au moins pendant une année pour espérer faire de bons résultats aux Jeux Olympiques. Si je comprends bien, donc, pour un athlète suisse en particulier, le fait de gagner une position sociale est un handicap très sérieux vis-à-vis des Russes ou des Américains, les Russes spécialement, dont l'avenir social est totalement assuré. Oui, disons, le problème est là. Il n'y a pas, disons, d'interaction chez nous entre le sport et, disons, la vie sociale, ce qui fait qu'on est sur deux points totalement séparés. Il faut se battre sur les deux, tandis que chez eux, il y a quand même, le sport leur offre certains avantages. Ils ont, il peut arriver par le sport tandis pas chez nous. C'est un peu la différence entre les amateurs et les professionnels. Je veux pas dire ça, disons, le système chez eux est pas si mal conçu finalement. Ils ont la possibilité, à côté de leur vie professionnelle, de faire vraiment bien du sport sans handicaper leur vie professionnelle. Tandis que nous, en voulant faire bien du sport, on handicape notre vie professionnelle, et en faisant bien notre vie professionnelle, on handicape notre carrière sportive. Tandis que font les deux. On peut pas, disons, dire qu'ils font vraiment une vie par le sport. Je crois qu'on ne peut pas aller si loin, mais disons, le sport ne l'empêche pas de faire une vie complète. Chapitre 3. Et nous alors, où c'est qu'on est ? Les Jeux Olympiques de 1972 sont donc engagés. Côté répartition des puissances, en sport comme dans le reste, les plus grands sont assez souvent les plus forts. À eux deux, les États-Unis et l'URSS font la razzia des médailles et laissent des miettes au reste du monde. Dans le reste du monde, il y a un tout petit qui s'appelle la Suisse. Petit, mais vaillant, et qui a trouvé quelques volontaires prêts à relever le défi. L'avantage, c'est quand on n'a pas plus d'illusions que ça et qu'on est là avant tout pour participer, ça laisse un peu de clairvoyance et pourquoi pas de joie de vivre. Tenez, en cette année 1972, il y a un Suisse qui est particulièrement heureux. Il s'agit du capitaine de l'équipe d'escrime, Jean-Pierre Cavigny. Son équipe s'est magistralement comportée, faisant face relativement bien au stress et à la concurrence. On l'écoute à présent, Jean-Pierre Cavigny. Je m'attendais à une qualification, mais je ne pensais pas à première vue que nous arriverions à battre la Pologne. Comment voyez-vous la suite de la compétition ? La suite de la compétition est désormais un tableau d'élimination directe entre les 8 meilleurs, dont nous ne connaissons pas encore maintenant l'adversaire qui sera opposé à la Suisse. Cela dépend des matchs qui sont actuellement en train de se tirer. Il est possible que ce soit la Roumanie ou la Hongrie, je ne peux pas encore le dire. Mais vous avez bon espoir. J'ai bon espoir, suivant l'adversaire qui nous tourne, il nous sera choisi. Vous êtes fixé un but ici à Munich. Nous avions fixé comme but avec le comité olympique d'arriver à placer un homme dans demi-finale et d'être dans les 8 meilleures équipes. Nous avons rempli notre contrat et en individuel où nous avons réussi à placer Giger comme 10e homme et maintenant notre équipe qui se trouve dans les 8 meilleures. Cauter un peu déçu individuel, est-ce qu'il s'est ressaisi maintenant pour l'équipe ? Oui. Christian Cauter a eu un blanc lors de son tournoi individuel. Il a eu peur, il était très nerveux et ceci a certainement paralysé un grand nombre de moyens dont il en possède en lui-même. Ici, par équipe, il a très bien tiré et il a vraiment rempli le contrat et c'est magnifique comme il a tiré. Est-ce qu'on peut parler de chance de médaille pour la Suisse ? Je refuse de me prononcer là-dessus parce que c'est très difficile à l'heure actuelle. Il suffit de tomber sur un adversaire très difficile en quart de finale pour voir immédiatement la route barrée. Mais je suis déjà très content que nous soyons dans les 8 premiers et j'espère que nous irons dans les 4 meilleurs. Mais pour la première place, l'URSS ou la Hongrie ? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. D'après les résultats individuels, je verrais plutôt la Hongrie puisque les 3 Russes ont été éliminés en demi-finale. Cependant, si l'on tient compte des méthodes d'enseignement et certainement des blâmes qui ont dû se passer dans le camp soviétique à la suite des déceptions soviétiques à l'individuel, je pense que la Russie doit quand même se ressaisir et c'est un adversaire très dangereux. Hélas, en voie hélas, l'équipe suisse connaîtra quelques défaillances dans l'étape ultime. On parle de mal du pays, de difficultés d'adaptation, des petits mots auxquels on promet sur un ton un peu déconfit qu'on apportera plus tard un grand remède. Oui, très souvent, qu'on est déjà à l'étranger depuis quelques jours, et bien à ce moment-là intervient le mal du pays indirectement, et je pense que ça joue un certain rôle également. On ne peut pas parler de dépaysement en ce qui concerne Munich, c'est la porte à côté. Non, pas du tout, pas dépaysement, mais c'est dans la nature du Suisse. On a vu aussi à Helsinki l'année passée, ceux qui avaient des concours dans la deuxième partie, et bien là également, ils ont aussi souffert un peu de ce problème d'acclimatisation. Est-ce qu'on ne peut pas incriminer également le système de sélection qui envoie, par exemple, à Munich des athlètes comme Trix Rechner, comme Siglinde Hamann, dont on sait pertinemment qu'en compétition internationale, elles perdent la totalité de leurs moyens? Oui, je pense que là, c'est un problème, disons, épineux qu'il faudra revoir lors des prochaines compétitions, grandes rencontres internationales. Et effectivement, Trix Rechner, si on regarde 69 à Athènes, c'est un échec. Helsinki aussi, Grenoble cette année aussi, et puis maintenant, ça fait la quatrième fois. Mais c'est jamais l'heure pour tirer sur l'ambulance, d'autant que, nous l'avons dit, ce ne sont après tout que de petits mots. Car on a un peu tendance à l'oublier, le monde continue de tourner quand même, hein, même s'il ne tourne pas forcément dans le bon sens tout le temps. Au hasard, tenez d'une brève, c'est tout juste si on prend le temps de se rappeler que, pendant que quelque part dans une Europe assagie, et relativement riche, faut bien le dire, des athlètes donnent le meilleur d'eux-mêmes pour la plus grande joie du public. Ailleurs, sous d'autres cieux, la vie est infiniment plus austère. Le chef de la délégation d'Hanoï à Paris a écarté l'information publiée par le magazine américain Newsweek. Selon cet hebdomadaire, le Vietnam du Nord accepterait de décréter un cessez-le-feu peu avant les élections américaines de novembre. Tout cela n'empêche pas les bombardements de continuer. Preuve en sont les 25 raids des B-52 la nuit passée sur des dépôts de ravitaillement et sur des concentrations de troupes au Vietnam du Nord et au Vietnam du Sud. À Munich, les jours passent et au fond, tout se déroule comme prévu avec, pour les champions, les jours fastes ou moins fastes. D'un côté, ceux pour qui Munich aura été une sorte d'apothéose de leur art et de l'autre, des moins chanceux qu'on aurait peut-être bien pris aussi la main dans le sac. La journée d'hier à Munich a été dominée par deux hommes, deux êtres d'exception dans leur sport respectif. Le premier, c'est Mark Spitz, le nageur américain, qui a gagné son incroyable pari, 7 médailles d'or et 7 records du monde. Dernière victoire pour Spitz dans l'équipe des États-Unis du 4x100 mètres, 4 nages. C'était la dernière épreuve de natation des Jeux de Munich. Il est utile, je pense, de rappeler les victoires de Mark Spitz. Chaque victoire constituant, je vous le rappelle, un nouveau record du monde. Il y a eu le 100 mètres papillon, le 200 mètres papillon, le 100 mètres libre, le 200 mètres libre, le relais 400 mètres, le 4x100 mètres, 4 nages et le relais 4x200 mètres. Je crois que je peux me considérer maintenant comme un type du genre de Jesse Owens, a déclaré Mark Spitz. Je ne sais pas si je recommencerai, mais je suis content. Et c'était bien la première fois d'ailleurs que Spitz daignait se déclarer satisfait. Spitz doit tenir aujourd'hui une conférence de presse au cours de laquelle il annoncera probablement qu'il renonce à l'amateurisme. Il a déjà reçu plusieurs propositions intéressantes. Et pour le moment, la seule chose qu'il ait décidé est de renoncer à la poursuite de ses études. Le second, c'est Valery Borzov, le sprinter soviétique, qui a remporté de magistrale façon le 200 mètres après avoir gagné le 100 mètres. Et puis Munich hier soir, c'était aussi deux affaires de dopage. L'américain Rick Damon n'a pas été autorisé à prendre le départ du 1500 mètres libre en natation pour avoir absorbé avant le 400 mètres des préparations pharmaceutiques interdites. En fait, Damon souffre d'asthme. Il n'est pas dès lors exclu qu'il se soit fait soigner avec des substances à base d'amphétamine. Et puis les Hollandais se sont vus retirer leur médaille de bronze des 100 km contre la montre par équipe. Le test antidopage sur l'un des cyclistes hollandais s'est en effet révélé positif. Cela fait 10 jours que les Jeux ont débuté. Nous arrivons au 5 septembre 1972. La journée est prévue de repos. Les joueurs pourront donc, comme le nom l'indique, se reposer et vaquer à leurs occupations. Mais ce 5 septembre, un drame va secouer les Jeux Olympiques. Nous l'évoquons demain. Dans les années 70, Long Cool Woman est sur toutes les radios en Allemagne. Et pas que dans les radios, on imagine. Ce sont les Hollies qui la chantaient.